Jean Bosco, Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal et on voici tout de suite l'architecture. Un magasin du quartier asiatique vendant du ciment Bousseko piraté a été fermé ce mardi par le directeur général du bureau burundais de normalisation. Inauguration ce mardi à Gitega par le président de la République du Burundi de la centrale solaire de Mubuga d'une capacité générale de 7,5 MW. Et des paiements par monnaie virtuelle se font maintenant au pays. La Banque centrale d'Ottawa a été alertée sur cette activité non réglementée par l'autorité monétaire et un appel à la prudence du public. Et les pêcheurs tanzaniens pourront continuer leurs activités au-delà du 15 mai prochain, contrairement à l'interdiction annoncée par l'autorité maritime du lac Tanganyika dans les quatre pays qui partagent les eaux de ce lac. Ainsi l'a déclaré le ministre en charge de la pêche devant les députés. La centrale solaire de Mubuga d'une capacité générale de 7,5 MW a été inaugurée ce mardi à Gitega par le président de la République du Burundi. Évariste Ndayishimiye a, dans son discours de circonstance, rappelé que l'eau courante électrique est la base de tout développement. Il a aussi demandé aux partenaires de financer la construction à Mubuga d'une école d'enseignement de l'électricité. Et la population de la colline d'implantation de cette centrale solaire réclame aussi l'électrification de cette localité. Gérard Nibigira. Dans son discours de circonstance, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a remercié les partenaires du Burundi qui, via l'entreprise Gigawatt Global Burundi, ont financé la construction de cette centrale solaire à la colline Mirama, zone Mubuga, commune et province Gitega. Il a ajouté que le courant électrique est la base de tout développement. Il a en outre demandé à ses partenaires d'aller toujours de l'avant en érigeant en zone Mubuga où est implantée cette centrale solaire, une école à régime d'internat où sera enseigné tout ce qui est en rapport avec l'électricité. Au moment où le gouverneur de la province Gitega, Venama Nilambona, a dans son allocution précisé que trois communes de sa province ne sont pas encore électrifiées, les habitants de la colline Mirama où a été construite la centrale solaire en question réclament l'électrification de leur localité. Nous n'avons pas encore eu de l'électricité. Nous aimerions demander à nos chers chefs collinaires, chefs de la zone, ainsi que l'administration de notre commune de Gitega, que le projet que la colline soit électrifiée soit fait prochainement. De son côté, le représentant de l'entreprise Gigawatt Global Burundi, Joseph Abramiwit, a indiqué que 350 Burundais ont été embauchés lors des travaux de construction et d'installation de cette centrale solaire, la main-d'œuvre féminine étant de 20%. De son côté, le secrétaire permanent au ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, Seleman Amissi, déclare que cette centrale a déjà produit l'énergie estimée à plus de 14 millions de kilowattheures depuis sa mise en fonction. Et depuis sa mise en exploitation commerciale, la centrale a déjà produit une énergie avoisinant à 14 977 91 kWh. Sur le plan environnemental, le pays a sauvegardé 8 986,2546 tonnes équivalent carbone. Cette centrale solaire de Mubuga d'une capacité de 7,5 MW a commencé à fonctionner le 12 février 2022. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isanganiro. Gérard, notre correspondant à Gitega. La jeunesse de la communauté de l'Afrique de l'Est tient à Bujumbura une troisième conférence ministérielle de haut niveau sur le rôle des gouvernements des communautés économiques régionales dans la promotion du programme de la jeunesse, paix et sécurité en cette région. L'une des attentes évoquées par le ministre burundais en charge de la jeunesse, Ezekiel Nibigira, qui a ouvert ses travaux, c'est l'engagement de la jeunesse ressortissant de cette région à promouvoir la paix et la sécurité. Jean de Dieu Irakotse. Nous voulons d'abord partager l'expérience que nous avons. Dans cette conférence, le président du Conseil national des jeunes au Burundi, Thierry Ngabire, a indiqué que la jeunesse ressortissante de la communauté est-africaine compte échanger des expériences de pratiques en matière d'autodéveloppement, de la consolidation de la paix et de la sécurité. Nous voulons d'abord partager l'expérience que nous avons, compte tenu que le président a mis la jeunesse dans ses priorités. surtout dans le domaine d'autonomisation des jeunes, mais aussi profiter de leur expérience dans d'autres domaines, surtout les pays qui ont déjà pris un pas dans l'élaboration de plans d'action sur l'agenda paix, jeunesse et sécurité. Nous aurons l'occasion d'échanger ensemble pour accroître surtout la participation des jeunes dans les organes de prise de décision. Au sortir de cette réunion, le ministre burundais en charge de la jeunesse s'attend notamment à une prise de décision de la part de cette jeunesse sur sa contribution en matière de paix et de sécurité. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour qu'on puisse étudier, analyser ensemble le rôle de la jeunesse par rapport à la recherche de la paix et de la sécurité sur notre continent et particulièrement au niveau de la communauté est-africaine. Voilà ce que nous allons analyser au cours de tous ces jours que nous allons être ensemble avec cette jeunesse africaine. De même que le ministre, tous les orateurs convergent sur l'importance du rôle de cette jeunesse dans la consolidation de la paix et de la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. Les partenaires ayant soutenu cette conférence, notamment l'organisation Save the Children, réitèrent leurs engagements à financer les travaux visant à réunir les jeunes. Jean de Dieu, il a causé un peu plus de 2 500 000 dollars vont être octroyés au Burundi par la Banque africaine de développement pour financer l'agriculture dans 4 pays, à savoir le Burundi, les Comores, la Somalie et le Soudan du Sud. Prosper Dodiko, secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage, l'a déclaré ce mardi à Bujumbura au cours d'un atelier régional de lancement du projet de renforcement de la préparation aux urgences et de la réponse aux crises alimentaires dans ces pays. Suivez-le. Vous venez de le constater, nous venons de lancer officiellement un projet régional, un projet de la préparation aux urgences et de la réponse aux crises alimentaires, parce que ce projet va nous aider à agir en avant pour éviter les effets du changement climatique, notamment en essayant de disponibiliser les semences. Ce projet va regrouper 4 pays, d'abord le Burundi, l'Union des Comores, la Somalie et le Sud du Soudan. Et ce projet va avoir un budget d'autour de 11 millions de dollars avec 2,5 millions de dollars pour le Burundi. Ce projet, comme vous l'avez constaté, qui réunit les experts de ces 4 pays, va nous aider non seulement de partager les expériences, mais aussi de nouer des partenariats pour assurer la sécurité alimentaire. Parce que vous avez constaté que par exemple, l'Éthiopie qui a parvenu à assurer la disponibilité des semences jusqu'à stopper les importations. Et là, nous aurons besoin de son expérience, des expériences réussies, puissent se dupliquer ici au Burundi. La suite de ce journal, le bureau burundais de normalisation a fermé ce mardi un magasin au quartier asiatique pour piratage du ciment Bousséko. Les employés de ce point de vente mélangent en effet du vrai ciment Bousséko avec d'autres produits, dont une poudre obtenue par broyage de cailloux et de la chaux. Trois d'entre eux qui étaient sur place ont été arrêtés par l'officier de police judiciaire de Mukasa pour enquête. Un reportage d'Ingabire Dohoreb. La direction générale du bureau burundais de normalisation dit qu'elle détenait des informations selon lesquelles il y a une maison qui pirate le ciment Bousséko. Dans cette maison, des ouvriers mélangent ce ciment avec d'autres produits. Pour Séverin Sindaikengela, ce comportement est à bannir. Nous avons reçu des nouvelles qu'ici au quartier asiatique, il y a une organisation, je dirais, ou une maison et qui piratent le ciment Bousséko et ils mettent d'autres choses qu'on peut qualifier de caractère de la terre que nous connaissons et ils mettent ça, ils mélangent et ils mettent au marché. Et ça, c'est vraiment non conforme à la qualité. C'est non conforme au principe du management de la qualité parce que ce ciment qui est piraté et qui va être au marché, ça va servir à la construction des maisons où va loger la population burundaise. C'est vraiment très dommage. Et là, ce que nous pouvons dire à ces gens qui piratent le ciment ou d'autres gens qui font des activités non conformes, de ne pas songer à eux, mais de songer à toute la population entière, parce que la non-conformité engendre des problèmes qui peuvent même occasionner la mort. Le directeur général du Bureau burundais de normalisation avec les policiers ont pris la décision de fermer cette maison de vente du ciment. Séverin Sindaikengela ajoute que 3 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Je viens de le dire, je pense qu'on va fermer cette petite maisonnette où on fait le piratage du ciment. Et puis, ces gens vont être poursuivis par la justice. Et ce travail, nous allons donner ce travail à l'administration de la localité ici et aussi à la police qui est ici pour poursuivre ce qui est là. Séverin Sindaikengela demande à la population de dénoncer ceux qui font cette pratique de piratage de produits de consommation. Il affirme que le Bureau burundais de normalisation va continuer la surveillance du marché d'autres produits dans le but de mettre sur le marché des produits qui remplissent les normes. Ingabire Dohoreb, stagiaire à notre station. La Banque de la République du Burundi, BRB, dit avoir été alertée de l'existence d'activités d'investissement et de commercialisation de monnaies virtuelles appelées crypto-monnaies. Elle déclare que ce sont des moyens de paiement non réglementés par aucune autorité monétaire. La Banque centrale appelle le public à faire preuve de prudence dans ce genre d'investissement. Léonce Vitaliou. Dans un avis se trouvant sur son site internet, la Banque centrale dit que ces monnaies virtuelles s'échangent sur des plateformes en ligne non réglementées dans le monde entier. Leurs valeurs sont très volatiles, estime la BRB, ce qui entraîne des opérations de nature spéculative qui exposent les utilisateurs de ces monnaies à des pertes potentielles sans aucune possibilité de recours légal dans l'éventualité d'un effondrement de leurs valeurs ou en cas de fermeture de ces plateformes d'échange de crypto-monnaies. Étant donné que les monnaies virtuelles ou crypto-monnaies ne sont pas réglementées et ne sont émises ou garanties par aucun gouvernement ou banque centrale, ces monnaies n'ont pas de cours légal sur le territoire du Burundi. La BRB rappelle au grand public qu'à cet égard, aucune entité ni institution financière n'est actuellement autorisée à offrir des services de remise de fonds ou autres services de paiement en utilisant une monnaie virtuelle telle que Bitcoin, Ether, Litecoin, Dogecoin, OneCoin, BTC, Fari Cashcoin, Elo Cashcoin et autres produits similaires. Il est conseillé au public de faire preuve de prudence et de s'assurer que leurs investissements ou toute autre opération financière est effectuée par des institutions financières de dépôt crédibles et dûment autorisées par la Banque centrale. Merci Léon. C'est le gouvernement tanzanien à travers son ministre de l'élevage et de la pêche appelle les pêcheurs tanzaniens à continuer leurs activités de pêche. Ce ministre l'a dit la semaine dernière en séance plénière à l'Assemblée nationale. Toutefois, ce ministre a indiqué à la chambre basse du Parlement tanzanien que le gouvernement se penche déjà sur cette question. C'est après que l'autorité maritime du lac Tanganyika, dans les 4 pays qui partagent les eaux de ce lac, est annoncé sa fermeture durant 3 mensualités à partir du 15 mai prochain. Évariste Zikobanyanga. C'est l'un des députés qui n'entend pas la décision de suspendre les activités de pêche dans le lac Tanganyika durant 3 mois sans que les représentants du peuple tanzanien ne soient au courant. Je tiens à préciser que la vie des habitants de Kigoma et ses environs ne dépendent que de la pêche dans les eaux du lac Tanganyika. Nous avons beaucoup de préoccupations et nous précisons que le gouvernement tanzanien semble ignorer l'apport des eaux du lac Tanganyika. Nous, les représentants du peuple, nous rejetons à 100% ces décisions de l'autorité du lac. Les députés tanzaniens rejettent en bloc cette décision, comme l'a communiqué au cours de travaux en plénière la semaine dernière le président de la Chambre basse du Parlement tanzanien. Il a toutefois révélé que même le Parlement de la République démocratique du Congo a déjà annulé cette décision. Je m'ai indiqué à celle qui vient d'intervenir qu'au moment où cette mesure a été consensuelle, mais paradoxalement, l'on a déjà constaté sur l'Internet que le Parlement de la République démocratique du Congo a déjà changé d'avis. Nous aussi, nous rejetons cette mesure. Le ministre de l'élevage et de la pêche, Abdallah Orega Missi, qui était invité à l'Assemblée nationale fédérale tanzanienne. Répondant à cette préoccupation, le député a promis que le gouvernement va se pencher à cette question. Toutefois, il a recommandé aux pêcheurs de continuer leur travail. Monsieur le Speaker, wabunge. Excellent président du Parlement et cher député, je vous confirme qu'au sein du gouvernement, nous allons nous pencher à cette question. J'aimerais aussi préciser que l'on ne peut pas passer outre les doléances des représentants du peuple. Chers députés, c'est pourquoi nous vous envoyons d'aller dire aux pêcheurs continuer leur travail de pêche. La mesure d'interrompre les activités de pêche dans le lac Tanganyika durant 3 mois, du 15 mai au 18 août de l'année en cours, a été communiquée le 21 mars aux députés burundais par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre Santos Niragira, ayant indiqué que cette mesure a été prise par les 4 pays qui touchent les eaux du lac Tanganyika, à savoir le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et la Zambie. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les commerçants du marché Jabé qui ont des stands près de la 10e avenue de la zone urbaine Guiza déplorent que leur stand risque d'être attribué aux hommes d'affaires qui souhaitent y exécuter d'autres activités de développement. Ceux qui se sont exprimés s'inquiètent du fait que les responsables de ce marché leur ont promis de leur proposer d'autres stands occupés par d'autres. Ils demandent au gouvernement de trouver une solution à ce problème. Nous avons un problème car ils veulent nous déplacer ailleurs dans les places qui sont occupées par les autres alors qu'ils payent comme il faut. Et s'ils te donnent une place d'un voisin, c'est le conflit qui va apparaître. Si quelqu'un te rencontre dans sa place, il peut même te tuer. Nous demandons au chef de l'État de nous aider. C'est ici qu'on trouve du minerval pour nos enfants. S'ils nous chassent ici, on ne va pas où aller et ça nous sera difficile de payer le minerval pour nos enfants. Ma part, ça m'a vraiment étonné. Je pensais que si tu possèdes une place, l'essentiel est seulement de la payer. Et on a fait ainsi. Cependant, il y a un problème qui est survenu. On nous a demandé de quitter la rangée qui est en face de la 10e avenue. Ils peuvent construire ces nouveaux stands sans que nous quittions nos propres places. Et après la construction, on pourra nous dire de nous déplacer vers ces nouveaux stands. Nous demandons à l'État de nous aider. On ne comprend pas comment on peut nous retirer de là où on était habitué à travailler pour nous emmener vers les places des autres. Ça a causé des chamailleries entre les commerçants. Imagine si une personne qu'on a attribué une place se fait chasser de là où elle travaille par une autre personne. Nous demandons à la mairie de Bujumbura de résoudre ce problème. Nous, les commerçants du marché Jabé, les responsables de ce marché, nous exigent de déménager nos stands vers d'autres places qui sont occupées par d'autres commerçants, ce qui risque de provoquer des conflits entre les commerçants de ce marché. Il indique que les grands commerçants vont exécuter des projets de développement dans ces stands. Nous, en tant que commerçants, nous voyons que cette décision est injuste. Ils vont nous installer dans le hangar réservé pour le commerce des habits et ne peut y avoir que 20 places seulement alors que nous sommes au nombre de plus de 300 commerçants. Que le gouvernement nous aide à trouver solution à ce problème. Et le commissaire du marché de Jabé demande à ses commerçants de présenter leur doléance au maire de la ville de Bujumbura qui est initiateur de ce projet. Un enseignant de la direction communale de l'éducation de Burambi en province Rumonge est dans la main du parquet de Rumonge depuis ce lundi. Des sources sur place à Burambi indiquent que cet enseignant a été arrêté, accusé d'avoir violé son élève chez elle. Selon ces sources, cet enseignant aurait menacé son élève de la faire échouer dans ses cours si elle refuse de coucher avec lui. Les défenseurs des droits des enfants à Rumonge demandent des enquêtes minutieuses et à la justice de nous dire que le droit au niveau du commissariat provincial de Rumonge, l'on confirme ce transfert du commissariat communal de Burambi où l'accusé était retenu depuis ce 4 mai courant au lendemain du probable viol. Et les produits phytosanitaires et leurs contenants doivent être manipulés en préservant la santé humaine et l'environnement. Les envoyés du ministère de l'Agriculture à Rumonge qui le disent. appelle au bon usage de ces produits, à défaut de quoi la santé de l'homme et des espèces aquatiques comme les poissons est remise en cause. Et en province de Bururi, certains champs de bananiers de la commune de province de Bururi sont menacés par une maladie appelée bactériose du bananier. Les agriculteurs réclament d'autres rejets de bananiers. Les envoyés du ministère en charge de l'agriculture qui sont dans cette province depuis lundi pour une campagne de sensibilisation sur la santé des plantes, les appels à faire recours aux techniques limitant la propagation de cette maladie et à consulter chaque fois les cliniques des plantes. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane.